On va parler avec notre ami Phil Léguin. Salut, Phil. Bonjour, Danny. Phil, Canadien, est-ce que c'est la panique à bord là maintenant? Est-ce que moi je sais pas quoi penser. Moi, je dis qu'on va avoir une belle, quoi qu'il arrive, on va avoir une belle saison. Par contre, je suis de la philosophie de dire tant qu'elle n'a pas fait les séries, j'aime autant descendre en bas. Fait que tu sais, je suis très, très motivé. Il y a une chose qui est officielle. Le Canadien est encore dans le portrait pour les faire les séries, là. On ne peut pas les éliminer, là. Deux, n'oubliez pas qu'ils vont jouer contre la Caroline, ils vont jouer contre Columbus. Moi, je pense que c'est les parties qui vont déterminer si le Canadien est pas dans les séries. Si le Canadien remporterait ces deux victoires-là, je pense que ça change la donne. Mais il y a une chose qu'il faut admettre, c'est qu'hier soir, le Canadien a perdu jeudi soir un match qui aurait dû normalement minimum un point. Et c'est une erreur défensive qui a fait que le Canadien il sort de là avec aucun point. Puis en plus, ce soir-là, il faut dire que Carey Price a volé le match quasiment aux Islanders de New York. Quand ton gardien de but te vole un match, il faut que tu collabores. Il faut pas que tu commettes des erreurs comme ils ont commis en défensive. Et je trouve ça un peu malheureux, ce qui est arrivé à la fin de la rencontre. Le Canadien commet une erreur qui leur coûte deux points. Maintenant, de voir un Shaw qui fait une déclaration en disant que les joueurs se présentent pas tous les soirs, moi, je pense que c'est son rôle à Shaw. C'est un gars il a une expertise, il a du vécu dans la Ligue nationale, il a gagné des Coupes Stanley avec Chicago. C'est un gars également qui doit être respecté au niveau du vestiaire. Et il y a des joueurs qui ont été visés par ça. Puis je pense que c'est encore plus aux joueurs de le faire que de l'instructeur-chef. Parce que quand l'instructeur-chef le fait, c'est des fois plus difficile après. Mais quand un coéquipier te le dit en pleine face, ça fait encore plus mal. Et moi, je pense que dans le cas de Shaw, il a fait le travail qu'il devait faire. Mais, c'est parce qu'en début d'année, tout le monde mettait le Canadien hors des séries, très loin. Ouais. Alors qu'au moment où on se parle, ils sont encore dans les séries, ils ont encore des chances de le faire. Donc, je pense qu'il faut qu'ils se battent jusqu'à la fin. Puis, je pense que les joueurs doivent le démontrer également pour leurs partisans qui veulent se battre jusqu'à la fin. Puis, des périodes creuses, là, ça peut arriver aussi à Columbus, comme ça peut arriver à d'autres formations. Je voyais Pittsburgh qui a connu une période creuse, puis c'est ainsi, ils ne trouvent plus le moyen de perdre. Non. Pourquoi? Parce qu'ils ont un bon timing, puis ils sont dans un bon moment, puis ils gagnent des gros matchs. Est-ce que le Canadien pourra revenir? Ben, moi, j'espère. Mais je pense pas qu'on doit être déçu de la saison que le Canadien a connue jusqu'à actuellement, parce qu'ils sont au-dessus de toutes les attentes. Non, j'écoute, mais tu as parlé des... Est-ce que le Shaw visait Jonathan Drouin? Il se fait Drouin, parce que c'est, en principe, le joueur qui doit être le gars qui va traîner l'attaque du Canadien. Il ne fait pas le travail. Puis deux, regardez le nombre de buts, puis regardez son implication physique, elle n'est pas là. Donc, moi, je pense que si lui ne fait pas ce travail-là, avec le contrat à long terme que Marc Bergevin lui a donné, ça va revenir d'en face à Marc Bergevin, là, parce que c'est lui qui a fait la transaction. C'est lui qui l'a signé pour longtemps, même si c'est un Québécois. Il a l'air à s'en foutre des joueurs. Il se présente pas, puis il joue pas la game qu'il doit jouer. Donc, moi, je trouve ça plate un peu pour les partisans, parce que c'est un joueur qui a énormément de talent, mais moi, je suis pas surpris de sa réaction. Je vais vous dire qu'il était comme ça chez les juniors. Quand ça y tentait, il jouait. Quand ça y tentait pas, il jouait pas. Deux, il jouait des fois à grosse tête chez les juniors. Il est chez les pros, il joue encore à la grosse tête. Donc, je suis pas nécessairement surpris de ce qui arrive avec Jonathan Drouin. Oui, effectivement. Puis écoute, mais c'est pas ce genre-là. Là. Puis il sera jamais ce genre-là, d'après moi. Ben, écoute, il est rendu à 24 ans, je pense, ou 25 ans. S'il ne s'implique pas, je suis d'accord avec toi, Danny, qu'il ne s'impliquera jamais. Écoute, c'est dans sa nature à lui de revirer d'un coin de patinoire pour ne pas aller se battre pour avoir la rondelle. Moi, je pense pas que demain matin, il va changer pour être le gars qui fait comme Gallagher, qui a 170 livres ou 175 livres mouillés, se bat comme un déchaîné devant le filet dans les coins de patinoire, sorti avec la rondelle. Moi, je pense pas que Drouin fasse ça un jour. Ça, j'ai des doutes là-dessus. En tout cas, fait que j'ai hâte de voir, effectivement. Donc, en parlant des Penguins de Pittsburgh, as-tu vu le match contre Washington mardi soir? C'est Nick Crosby, là, il est encore choisi par le meilleur joueur de l'instant encore. J'étais au curling et je sortais du curling, puis tout le monde prenait sa petite bière à l'après, puis on regardait le hockey tout ensemble. Et je disais exactement ça, Danny. Je disais, regardez comment il est impliqué. Regardez comment il est le meilleur joueur. Il est le gars qui est capable de toujours avoir la rondelle, de faire la bonne passe, qui est dans l'enclave, qui trouve ses coéquipiers au bon moment, c'est un gars dominant. Et quand c'est le temps de lever son jeu d'un cran, Crosby le fait. C'est pas donné à tout le monde de le faire, mais lui, il le fait. Et ça, année par année, il le fait régulièrement. Donc, moi, ça m'impressionne de voir que ce gars-là est toujours au même niveau, après de nombreuses années, ne ralentit jamais. Et à chaque soir, il se bat comme si c'était la grande finale de la Coupe Stanley. C'est impressionnant. Mais c'est ça, les grandes vedettes, les grands joueurs, et lui, c'en est un. Ça a fait toc-toc, c'était 2-0 Washington, puis ça a fait toc-toc, puis les Pingouins... C'est lui le leader de cette formation-là, puis c'est lui qui prend le contrôle, c'est lui, quand c'est le temps, qui va être capable de lever son jeu d'un cran, et c'est un peu ce qu'on reproche à Jonathan Drouin, qu'on parlait il y a quelques instants. Il doit être un... Je te dis pas qu'il doit être un Crosby, c'est pas ça qu'on dit, mais il doit être un joueur majeur. Puis quand on regarde un peu son travail, malheureusement... Et on peut pas le comparer même pas à McKinnon. Pourtant, rappelons-nous, la fameuse année de repêchage, McKinnon ou Drouin. Aujourd'hui, là, c'est facile à dire que il y a aucune comparaison à faire entre les deux, ça, au moment où on se parle. Phil, je n'avais pas parlé dans votre, mais je vais t'en parler pareil. Roberto Luongo a été choisi le meilleur gardien de but de l'histoire de la Ligue du Québec. Es-tu d'accord avec ça? Écoutez, moi, en passant, là, j'étais parmi les gens qui ont voté pour J'ai eu ça durant l'été. Ils m'ont envoyé ça chez moi. J'ai passé plusieurs heures à mettre là-dedans pour faire les équipes des décennies, les joueurs, les défenseurs à choisir et tout. C'est sûr que Roberto Luongo a connu une très, très belle carrière chez les juniors. Est-ce que il est le par excellence? C'est toujours difficile de faire des comparaisons avec les années, puis la différence de certaines performances. Mais Luongo est sûrement l'un des grands gardiens qui a passé dans la Ligue junior majeure du Québec. Il n'y a aucun doute là-dessus. Les gens auraient pu parler de Patrick Roy, mais dans le cas de Roy, chez les juniors... il jouait à Granby, il n'y avait pas d'équipe, il recevait 60-65 lancés par match. Sûr qu'il accordait 5-6-7 buts, tout à fait normal dans les circonstances. Mais dans le cas de Luongo, il a gagné. Il a joué avec l'équipe canadienne junior. Il y a des faits qui lui sont rattachés, qui fait qu'il a été un joueur dominant quand il était au niveau des juniors. Il a toute une carrière dans la Ligue nationale aussi. C'est quatrième meilleur gardien de but devant lui. Quatrième meilleur avec le plus de victoires. Exactement. C'est pour ça que je te dis que moi, personnellement, je trouve qu'il mérite ce choix-là. Quand on regarde un peu, là, c'est toujours la façon de dire comment tu votes et de quelle manière tu te vois. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui l'a vu, mais il y en a masse qui l'ont vu, puis les gens ont décidé de voter, puis le vote lui donne les points nécessaires. Moi, personnellement, je trouve que c'est l'un des grands gardiens qui a passé dans le junior, il n'y a aucun doute là-dessus. Pierre Sévigny, Saguenay. Pierre est au temps de la renommée, c'est pas pour rien, là. Pierre, j'ai arbitré quand Pierre était là. Un joueur de petit gabarit. Un peu comme Jean-Marc Richard. Un joueur dominant. Jouait des 35, 38, 40 minutes par match à Trois-Rivières. Donc, c'est un joueur qui a été dominant, et c'est pas pour rien qu'il est au temple de la renommée. C'est sa petite stature qui a fait qu'il n'a pas perçu chez les pros, mais ça demeure que c'était un joueur de hockey qui mérite amplement d'être au niveau où il est actuellement, puis je pense que les gens l'ont reconnu, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-tu mieux que Jean-Marc Richard? C'est-tu dans le même style? Jean-Marc Richard est un joueur moins... Il était moins spectaculaire que Pierre Sévigny, mais était aussi efficace. Jean-Marc Richard, là, c'est un défenseur, à mon avis, à moi, qui n'a jamais été reconnu à sa juste valeur. C'est un joueur exceptionnel qui a passé à Chicoutimi. Il débarquait quand lui décidait de débarquer. Là, il jouait des 35-40 minutes par match. Mais c'est un joueur qui était dominant, mais malheureusement, pas spectaculaire, pas très d'envergure au niveau, tu sais... Il était pas glamour, alors que Pierre Sévigny l'était beaucoup plus, là. Il était plus hot dog, comme on dit dans le langage du sport, là. Mais Jean-Marc était un joueur plus effacé, plus réservé. Mais dans le cas de Jean-Marc Richard, il jouait avec Marc Fortier. Marc Fortier était la grande vedette des Saguenay à ce moment-là. Donc, on parlait de Fortier, on oubliait souvent Jean-Marc Richard. Pourtant, c'était lui souvent qui faisait beaucoup de jeux pour les Saguenay. Mais c'est de valeur, parce que Jean-Marc Richard, qu'est-ce que tu me comptes là, s'il avait été joué en 2018, des petits défenseurs de petite stature, bon avec la manière rondelle, bon sens du jeu, ça existe. Là. Dans ce temps-là, ça n'existait pas, c'était le gros défenseur, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus tourné vers ça. Là-dessus, c'est sûr que tu as parfaitement raison, Danny, mais écoute, Jean-Marc Richard, ça a fallu Gaston Drapeau s'implique avec Maurice Filion pour le faire inviter au Nordique de Québec, là, puis il a joué quand même dans l'AMH, là, Il n'a pas joué une tonne de parties, mais il a quand même été là. Et s'il n'y avait pas eu Gaston Drapeau, qui était bien lié avec Maurice Filion, il n'aurait jamais eu une invitation à jouer chez les professionnels. Au moins, il y a eu cette invitation-là, puis il a démontré qu'il y avait le talent quand même nécessaire pour jouer chez les pros. Mais aujourd'hui, avec le nombre d'équipes, je suis convaincu que Jean-Marc Richard jouerait dans la Ligue nationale. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. En terminant, Phil, je veux te parler d'un commentaire général. Il n'y aura pas des grandes analyses parce que je l'ai fait avec Caroline Delisle et avec Eugène Lapierre. Belle semaine de tennis, c'est le fun. Hein? Moi, on n'est pas des grands. Moi, je suis pas un grand connaisseur de tennis. J'ai découvert le tennis avec Eugénie. On peut pas tout aimer, là. Mais c'est le fun de voir Bianca Andreescu, Milos Raonic. Canada se porte très bien. Ouais. Et ce qu'ils ont fait depuis de nombreuses années rapporte des dividendes. Ouais. Je pense que quand on l'a installé à Montréal, quand on a changé le parc Jarry pour un centre de tennis à temps plein, 12 mois par année. Et on a mis les instructeurs nécessaires, on a mis l'argent nécessaire, et Tennis Canada récolte actuellement. Autant du côté masculin, du côté féminin, nos joueurs sont jeunes, ils sont bons, ils sont spectaculaires, le monde l'aide, et il y a encore de la belle relève. Donc moi, chapeau à Tennis Canada, chapeau à ces gens-là qui ont cru à la façon que M. Borgia a amené au Canada. C'est lui qui est arrivé ici avec une idée bien précise. Les gens de Tennis Canada ont acheté son idée. Les résultats sont là. Tu sais, Eugénie, oui, elle a connu du succès. C'est plus difficile ce temps-ci. Mais là, quand on regarde un peu Bianca, elle connaît du succès à 18 ans. Et moi, je pense que ça devrait continuer à monter. Chez les hommes, actuellement, on a 4 joueurs de calibre qui sont parmi les 50 meilleurs au monde. Ouais. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont 4 joueurs qui sont parmi les 50 meilleurs au monde. Ouais. Ce n'est pas le fait du hasard qu'ils sont là. Parce que ce sont de très, très, très bons joueurs. Et le Canada performe bien. Ben, tant mieux. Moi, je suis un fan de tennis. Je regarde ça régulièrement tout le temps à la télévision. Et là, ils vont atteindre des cotes d'écoute exceptionnelles. D'ailleurs, vendredi soir à 9h30, pour ceux qui veulent la TVA Sport, oui. On va présenter Bianca pour la demi-finale. Et la manière qu'elle a gagné cette semaine, ça pourrait arriver qu'elle passe en grande finale, là, quand on regarde ça, là. Mais elle a atteint les sommets que jamais personne n'aurait pu prédire. Et il y a un an, elle était 150, 170 au monde. Et là, elle est assurée d'être parmi les 40 meilleurs au monde et même mieux. Donc, c'est assez exceptionnel comme performance dans les derniers mois. Là. Phil, on se reparle vendredi prochain. Merci. Commentaire de